Sonnet de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sonnet. Je ne sais plus rien comprendre au printemps, depuis le moment où, plein de jeunesse, j'ai pris à deux mains la coupe d'ivresse que tu me brisas folle entre les dents. Je songe toujours à cet heureux temps où l'illusion, douce enchanteresse, ne me laissait voir ma belle maîtresse qu'à travers le ciel de mes gais 20 ans. Tout s'est effacé, j'ai vécu d'un rêve. Je le poursuivrai sans repos ni trêve jusqu'au jour prochain où j'en dois mourir. Mais ton charme existe, ô désespérance, c'est se sentir vivre encore que souffrir. Mieux vaut la douleur que l'indifférence. Fin de Sonnet, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.